après avoir pris d'assaut à cheval sur leurs chevaux. Bison futé, visage pâle et compagnie, sur les plages ont envahi le ciel d'été. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air et d'horizon, mais voir les mêmes crétins que l'on croise au quotidien dans les bouchons, après avoir toute l'année respiré l'air pollué d'hydrocarbures. Ils entretiennent leur cancer immaculé de crème solaire en Côte d'Azur. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air et de bungalow, mais voir les mêmes crétins que l'on croise au quotidien dans le métro. Agglutinés dans des tentes, ils profitent de leur détente pour se retrouver. La belle-mère tongue et chaise longue, la fille qui se refait les ongles, c'est sûr, c'est le pied. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air dans la pudeur, mais voir les mêmes crétins que l'on croise au quotidien chez son coiffeur. Un apéro, une pétanque, une sieste et Richard Virenque. Le Tour de France, c'est leur façon de s'évader, le vélo fait voyager, c'est beau la France. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air et de vis-à-vis, mais voir les mêmes crétins que l'on croise au quotidien dans les canis. Après les pavés et la plage, ils vivent tous sur leurs nuages radioactifs. Pour eux, les frontières s'arrêtent au contour de leurs serviettes, de leurs récifs. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air et d'habitude, mais voir les mêmes crétins que l'on croise au quotidien, pauvres crédules. Après avoir pris d'assaut à cheval sur leurs chevaux, bison futé, visage pâle et compagnie, sur les plages ont envahi le ciel d'été. Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air? Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air? Pourquoi partir à la mer si ce n'est pas pour changer d'air? Pourquoi partir à la mer?